Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. De l'homme, et d'abord de l'âme. Explication. Il ne suffit pas d'avoir examiné séparément les créatures spirituelles et les créatures corporelles, il faut maintenant étudier l'homme qui réunit ces deux substances, l'esprit et le corps. En conséquence, nous allons considérer l'homme dans sa nature et dans sa création, mais comme le théologien voit surtout l'âme de l'homme, et qu'il ne considère le corps que par rapport à l'âme, nous nous occuperons présentement de l'âme. Nous la considérons dans son essence, dans ses facultés, dans son opération. En premier lieu, quelle est sa nature? Comment elle est unie au corps? Les facultés de l'âme sont d'abord considérées en général, on marque ensuite leurs différentes espèces, facultés intellectuelles, facultés appétitives en général, l'appétit sensitif en particulier, l'appétit rationnel ou volonté, le libre arbitre. L'opération de l'âme unie au corps se manifeste dans la connaissance des choses matérielles, dans la connaissance d'elle-même, et dans celle des êtres immatériels. On examine, en dernier lieu, quelle est l'opération de l'âme séparée du corps. Question 75. De la nature de l'âme. L'âme humaine est immatérielle, sa subsistance, celle des animaux n'a pas cette propriété. L'âme n'est pas l'homme, son incorruptibilité. Différence entre l'âme et la nature angélique. 1. L'âme est-elle un corps? L'âme est le premier principe de la vie chez l'être vivant. Ce qui le prouve, c'est que nous appelons animés les êtres vivants, et inanimés les êtres privés de vie. Or, ce premier principe n'est pas un corps, car un corps ne tient, de sa propre nature, ni le privilège d'être vivant, ni celui d'être le premier principe de la vie chez un être vivant, autrement tout corps serait vivant ou principe de vie, ce qui est faux. Si un corps est vivant ou principe de vie, ce n'est que tant qu'il existe dans des conditions déterminées qui lui viennent d'un principe étranger à sa nature, et qui en font tel ou tel corps vivant actuellement. Ce principe, à cause de cela, peut être appelé l'acte ou l'actualité de ce corps, mais il n'est pas un corps. L'âme, qui est le premier principe de la vie, n'est donc point un corps. Note. L'œil est le principe d'une opération vitale, le cœur, le principe de la vie animale, mais le cœur, l'œil, ni aucun instrument corporel, ne sont le premier principe de la vie dans l'être vivant. Voilà pourquoi ils ne constituent pas une âme. Fin de la note. 2. L'âme humaine est-elle un être subsistant? Le principe de nos opérations intellectuelles, notre esprit, est nécessairement quelque chose d'incorporel et de subsistant. La preuve de cette vérité, c'est qu'il juge des diverses natures de tous les corps, ce qu'il ne saurait faire s'il était de la même nature que l'un d'entre eux. Quand la langue d'un malade, par exemple, est couverte de bile ou d'une humeur amère, elle ne peut plus percevoir le doux, tout lui paraît amer. Notre principe intellectuel connaît tous les corps, il est impossible, on le voit, qu'il soit lui-même un corps. Il est pareillement impossible qu'il comprenne au moyen d'un organe corporel, car la nature particulière de cet organe l'empêcherait, pour la même raison, de connaître l'universalité des autres corps. Mettez sur la rétine de votre œil une couleur particulière, les objets que vous apercevrez vous paraîtront tous de la même couleur. Le principe intellectuel, appelé esprit ou intelligence, possède donc une opération spéciale que rien de corporel ne modifie. D'un autre côté, un être ne peut produire une opération sans être subsistant par lui-même. Donc, au résumé, l'âme humaine, qu'on l'appelle esprit ou intelligence, est quelque chose d'incorporel et de subsistant. 3. Les âmes des animaux sont-elles subsistantes? L'action de comprendre est la seule qui soit indépendante de tout organe corporel, aussi l'âme raisonnable est-elle la seule qui soit subsistante par elle-même. Aristote a démontré que l'âme sensitive n'a de soi aucune opération spéciale et exclusive, n'opérant rien que par le concours du corps et d'une modification sensible. Celle des animaux n'est pas un être subsistant, puisqu'elle n'a pas d'action propre, toutes ses opérations appartiennent à l'animal tout entier. 4. L'âme est-elle l'homme? L'âme ne constitue pas l'homme par elle seule. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, approuve Varron d'avoir dit que l'homme n'est pas l'âme seule ni le corps seul, mais l'âme et le corps réunis. Il est visible, en effet, que l'homme est l'être qui exerce toutes les opérations de l'homme. Or, la sensibilité est une opération de l'homme, et non pas une opération de l'âme seule. D'où il est manifeste que l'homme n'est pas l'âme seule, mais bien le composé de l'âme et du corps. Platon supposait à tort que sentir est le propre de l'âme, quand il définissait l'homme une âme qui se sert d'un corps. Note. À la question, qu'est-ce que l'homme? Le genre humain tout entier a répondu, l'homme est un composé, non pas artificiel, non pas accidentel, mais substantiel de l'esprit et de la matière, de l'âme et du corps, de manière que ces deux substances ne forment dans l'homme qu'un seul supposé, un seul individu, une seule personne. Voulez-vous vous convaincre que le genre humain a vu cela dans l'homme? Écoutez le langage de tous les hommes, de tous les peuples, de tous les temps. On ne dit jamais nulle part, l'esprit de Pierre pense, sa bouche parle, ses pieds marchent, ses mains opèrent. C'est-à-dire que le genre humain entier, dans sa logique naturelle, à regarder les actions de l'homme comme les opérations de l'âme unie substantiellement au corps, ou du corps animé, comme les opérations propres de tout l'homme, de tout le composé, du supposé, du conjoint tout entier. La raison philosophique, qui a voulu marcher seule, ne tenant aucun compte du langage de l'humanité, a répondu d'une toute autre manière à cette grande question, qu'est-ce que l'homme? Elle a répondu, l'homme composé d'âme et de corps n'est un que d'une manière morale, impropre et accidentelle. Pour Platon, l'homme n'est qu'un esprit qui a pour appendice le corps. Ébant, dit Cicéron en parlant des platoniciens, appendicem animies corpus, ce qu'un philosophe catholique de nos jours a répété avec plus d'élégance et de grâce, mais non pas avec plus de vérité, en disant « L'homme est une intelligence servie par des organes. L'une de ces deux définitions vaut l'autre, elles sont toutes les deux radicalement fausses. » Pour Platon aussi, et plus tard pour Descartes, l'âme n'est unie au corps dans l'homme que comme le moteur est uni au mu, comme le batelier est uni à son bateau, union la plus éphémère, la plus accidentelle, la plus vaine qu'on puisse imaginer, car le principal est l'appendice, le maître est le serviteur, le moteur est le mu, le batelier et son bateau, ne sont pas un, mais deux, ce qui, par rapport à l'homme, est complètement faux. L'âme et le corps étant unis dans l'homme d'une manière substantielle, confère révérend Père Ventura. Fin de la note. 5. L'âme est-elle composée de matière et de forme? Non, il est dans sa nature, nous le verrons bientôt, d'être la forme d'un corps. Or, Si elle n'est forme que par une partie d'elle-même, c'est cette partie seulement que nous devons appeler âme. L'autre partie, dont elle est l'acte, ne peut être regardée que comme un premier sujet animé par elle. On ne doit donc pas dire que l'âme est composée de matière et de forme. Ceci est plus incontestable encore pour l'âme intelligente. Si la nôtre était composée de matière et de forme, il en serait de sa puissance intellective comme de ses facultés sensitives, qui ne perçoivent les choses qu'au moyen d'un organe corporel. Elle ne connaîtrait pas les objets dans leur notion propre et absolue, elle ne percevrait, comme les sens, que des formes individuelles et des êtres particuliers. Note. La matière dont l'âme serait composée et individualiserait les formes, et l'âme n'aurait plus l'idée d'une pierre comme idée générale. Si notre âme était matière, elle ne posséderait pas les connaissances universelles qui s'étendent à une infinité d'objets. Fin de la note. 6. L'âme humaine est-elle corruptible? Les âmes humaines, dit Saint Denis, ont reçu de la bonté de Dieu la faveur d'être intelligentes et d'avoir une vie inaccessible à la mort. En effet, une chose est sujette à la corruption de deux manières, par elle-même ou par accident. Il est d'abord impossible qu'un être subsistant par lui-même soit produit ou détruit accidentellement, c'est-à-dire par la production ou la destruction d'un autre être. Une chose s'engendre ou se corrompt suivant son être. Ce qui vient de génération s'en retourne par corruption, tels sont les accidents, et les formes matérielles. Mais ce qui subsiste par soi ne peut être engendré ni corrompu que par soi. Or, il a été dit que les âmes des bêtes ne sont pas subsistantes par elles-mêmes, et que l'âme humaine est la seule qui jouisse de cette propriété. Donc, quoique les âmes des bêtes soient détruites par la corruption du corps, l'âme humaine ne saurait tenir une telle destruction que d'elle-même. Ceci même est impossible non seulement pour notre âme, mais pour toute substance formant un être simple, car ce qui convient nécessairement et par soi à une chose en est par là même inséparable, la substance ne pouvant être séparée d'elle-même. Aucune substance simple ne peut perdre son être. La même vérité ressort encore du désir naturel des êtres intelligents, car si toutes les créatures veulent conserver actuellement leur être, hic et nunc, les êtres intelligents désirent naturellement exister toujours. Un désir naturel ne pouvant pas être vain, les substances intellectuelles sont incorruptibles. Note. Il est très faux de dire que l'homme n'a rien de plus que la bête. L'homme est intelligent, les animaux ne le sont pas. L'âme des animaux a pour cause une certaine vertu corporelle, celle de l'homme vient de Dieu. Pour faire sentir cette vérité, la Genèse, en parlant des animaux, rapporte que Dieu dit que la terre produise une âme vivante. Mais quand il s'agit de l'homme, elle observe que Dieu souffla sur son visage un souffle de vie, ce que l'Ecclésiaste exprime pareillement par ses paroles, que la poussière retourne à la terre d'où elle est sortie, et que l'esprit revienne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. Il est vrai que l'homme et l'animal diffèrent assez peu pour le corps, mais il est loin d'en être de même pour l'âme. Si donc notre corps meurt comme celui des animaux, il n'est point étonnant que notre âme soit immortelle. Fin de la note. 7. L'âme et l'ange sont-ils de la même espèce? Les êtres dont les opérations sont naturellement diverses ne sont pas des êtres de même espèce. Or, les anges sont étrangers à la matière, au lieu que l'âme, par sa nature, veut être unie à un corps dont elle a besoin pour ses opérations. Les esprits angéliques ont une vue simple et directe de Dieu, Les âmes humaines sont réduites à en demander la connaissance aux choses visibles. Donc l'âme et l'ange n'appartiennent pas à une seule et même espèce. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.